Un mal, chapitre 22. Un vendredi, le fermier Aillot arriva à la ferme. Il était tenancier d'une métairie à 2 lieues des hulottes et passait pour un malin. C'était un petit homme court et trapu, de la finesse dans les yeux. Il descendit de sa carriole, tira son cheval jusque sous la porte charretière et là l'attacha par la bride à un anneau scellé dans le mur. Comme il pleuvait, il avait pris avec lui un large parapluie indigo à monture de cuivre et le tenait déployé sur son épaule. Ses grosses joues couleur de brique rasées de près se détachaient sur l'étoffe, ayant de chaque côté des mèches de cheveux gris aplaties. Il s'avança dans la cour, vit d'un coup d'œil les fumiers, les charrettes sous les hangars, l'abondance d'un train de maison bien réglé, et poussa jusqu'à l'étable. Caillotte, la servante, trayait les vaches, assise sur un trépied bas, la tête à la hauteur des pies, baguant des mains les tétines d'où s'épanchait un beau lait lourd. Elle ne l'avait pas entendu venir et demeurait courbée, ses jambes rouges nues jusqu'au-dessus du genou, dans le fumier huileux éclaboussé de bousées copieuses. Aillot regarda les vaches l'une après l'autre du seuil de l'étable, et tout à coup, son parapluie s'accrocha au linteau de la porte. Caillotte se retourna au bruit, et le voyant planté sur ses pieds, « Tiens, monsieur Aillot, » dit-elle surprise en descendant sa jupe. Il fit aller sa tête en signe de bonjour, et continua à observer les bêtes. Leur masse osseuse se dessinait par grands plans d'ombre et de lumière dans la demi-obscurité brumeuse de l'étable. Des cornes luisaient sur des frontaux plaqués de clarté. Des croupes noires avaient l'air de se prolonger dans d'autres croupes qui étaient fauves. Et de grosses carcasses ballonnées, couchées à plein fanon, bosselées dans les pailles, ou posées debout, montraient la tache rose des mamelles entre l'arc cagneux des jarrets. Et le fermier regardait en connaisseur la largeur des pies, le lustre des robes, la santé des yeux sommeillants et limpides. « V'là pour boire avec ton galant, dimanche !» dit-il en tirant 3 sous de la poche de sa veste. Une crevasse détendit les joues de la fille. Elle quitta son trépied et vint prendre l'argent. Alors il lui demanda de faire relever les vaches couchées, et elle alla de l'une à l'autre, les poussant de son sabot et les appelant toutes par leur nom. Elle s'arrêta devant une vache noire et la tapota, disant « C'est celle-là que je prendrais si c'était mon idée d'acheter. » Aillot vit qu'il avait été deviné. Il loucha en risotant du côté de la vachère et répondit « Mais t'as vu que t'as raison !» Et il ajouta 2 sous à ceux qu'il lui avait déjà donnés. « Merci, monsieur Aillot, merci !» répétait Caillotte, écartant son sourire un peu plus à chaque remerciement. Cette munificence lui réchauffait le cœur. Elle se mit à louer l'excellence de la vache noire, avec des détails circonstanciés. Ça lui ferait de la peine pour sûr de la voir partir, mais elle savait que les bêtes étaient à bonne maison chez monsieur Aillot. La peine ainsi serait moins grande. Lui, il l'écoutait distraitement, supputant le prix de la vache par avance. Il entra dans la maison et cogna les dalles du vestibule du bout ferré de son parapluie. « Hé, hey, fermier !» Hulotte, en bras de chemise, était penché sur un secrétaire dont la face antérieure, en s'abaissant, formait pupitre. À l'intérieur de chaque côté d'une cavité où étaient entassés des papiers, 5 tiroirs servaient à remiser l'argent. Hulotte, de lourdes lunettes sur le nez, balançait les comptes du dernier mois. Le haut de son corps disparaissait dans la profondeur du meuble. Un livre était ouvert devant lui, noirci d'une grosse écriture inégale, avec des macules d'encre et des salissures de doigts. Et près du livre, des tas de monnaies enfermées dans des papillotes encombraient la planchette. Il ferma son pupitre, s'avança vers le seuil. « C'est-il bien, monsieur Aillot, que v'là ? » dit-il. « Sûrement c'est lui. Eh, allez, ne restez donc pas dans le mitan de la porte. »« Dérangez pas. fit l'autre. Je passais. Alors je me suis dit comme ça, faut tout de même savoir comment va le fermier. Alors je suis entré là, pour entrer. Hulot insista. Oh, sûrement vous allez prendre un verre de bière. Eh, fermez donc votre parapluie. Oh non, là, ça sera pour une autre fois. J'ai ma carriole avec moi, et je m'en vais maintenant que je suis venu. Hulot lui prit son parapluie des mains et le mit à égoutter dans l'escalier de la cave, disant que ça n'était pas poli et qu'à présent qu'il était entré, il allait demeurer une minute. Alors Ayo céda. Une minute, hein, une seule minute. Pour vous faire honneur, ça ne se refuse pas. Il secoua ses chaussures sur les dalles, grondant après la pluie qui lui faisait salir la maison. Puis, trouvant un paillasson sur le seuil de la chambre, il se remit à frotter ses semelles à petite fois, longuement. Il entra enfin, vit Germaine qui achevait de ranger la chambre, et pinçant un sourire. « Dire qu'on a fait sauter ça sur ses genoux, fermier » fit-il. « Et à cette heure, c'est des grandes jeunesses, donc !» Son admiration grandissant, il la détaillait complaisamment. Et des bras, une poitrine, des yeux, c'est ça qui s'appelle une vraie créature. Ah, oh, si c'était de notre temps, hein, si nous avions le bel âge. Il ajouta en secouant la tête. Je sais bien ce que nous ferions, mais à présent, nous sommes comme qui dirait des Mathieu Salem. C'est le tour de nos garçons. Bah, dit Hulot. « Tant qu'on a de ça !» Et il se frappait le cœur. « Non, c'est plus la même chose !» acheva Ayo avec une moue. Il s'était assis, ses jambes allongées devant lui. Germaine lui offrit de la bière, du vin, des liqueurs au choix. Il hochait la tête disant non, et à la fin, il accepta de déjeuner tout à fait. « Pour ça oui, là, je veux bien, sans façon. Il y a un petit temps que mon café a passé. » Il était parti à 6 heures du matin. Il s'était arrêté dans les fermes à causer d'affaires. On avait bu de l'eau de vie et tout cela avait un peu creusé. Il racontait son histoire en riant à chaque mot, l'œil pétillant. Hulot, flairant une affaire, riait avec lui. « Oh, je suis ben malhonnête !» dit-il quand l'autre eut fini. « Je vous demande pas des nouvelles de Mamayo. Elle va ben ?» « Sur son ordinaire, oui, Dieu merci, à part ses rhumatismes. C'est une personne d'âge, elle a pas autre chose que ce qu'ont les autres. L'un a ça, l'autre a autre chose. Moi, c'est dans les reins. » Et le dialogue traînait dans des politesses mutuelles, chacun pensant à la possibilité d'une aubaine. Germaine étendit un coin de nappe sur laquelle elle rangea un pain de froment, une pleine assiette de beurre, la cafetière, le sucrier et une belle tasse à filet d'or, fleurie d'une rose que guirlandait cette légende. N'en craignez pas les épines. Ayo s'assit, se défendant encore, déclarant qu'il n'accepterait qu'une tranche de pain, ça suffisait bien. Il n'avait pas grand appétit du reste. Et, tout en protestant, il entama une seconde tranche qu'il beurra largement. Celle-là engloutie, il planta ses dents dans une troisième. Tout de même, le pain était fameux, et il complimentait Germaine en mâchonnant ses bouchées. Il mangea le tiers du pain, rafla tout le beurre, et but 3 jattes de café coup sur coup. Après quoi, il passa le bout de la nappe sur sa bouche avec satisfaction et se donna de petites tapes dans l'estomac. « C'est une idée d'être rentré, » dit-il. « Là, je suis fameusement content de vous avoir vu. On est de bons amis. » Il alluma sa pipe et demanda à voir les bêtes. Hulot pensa qu'il avait besoin d'un cheval et le mena à l'écurie. Ayo trouva les chevaux magnifiques. « Je me suis trompé, » pensa Hulot. « Il me les aurait ravalés. » Il le conduisit à l'étable. Là, le bonhomme montra de la circonspection, examina les vaches l'une après l'autre sans rien dire, et finalement déclara qu'il en avait vu de plus belles. « Oh, c'est une vache pour sûr qu'il lui faut !» pensa Hulot. et les mains dans les poches d'un air indifférent, il lui répondit qu'il y en avait peut-être de plus belles, mais pas de meilleures. Ayo entrait dans les fumiers jusqu'à la cheville, tâtant les bêtes l'une après l'autre. La blanche était soufflée, la rousse avait de la longueur dans l'œil. L'Isabelle était épuisée par son veau, et quand il arriva à la noire, il haussa les épaules en soufflant dans ses joues. Il regardait le fermier du coin de l'œil. Ils visitèrent ensuite les porcs. Hulotte ayant ouvert la porte des sous, les bêtes trottaient du côté des fumiers, roulant des yeux ahuris, avec des tire-bouchonnements de queue. Tous deux demeurèrent un petit instant à les regarder s'ébattre en grognant, leurs groins roses fouillant sous les pailles activement. Par moments, le pied leur manquant sur le pavé suintant, les porcs s'abattaient dans les bouses, faisant rejaillir les purins, puis, relevés, continuaient à galoper, leurs fesses charnues secouées de petits tremblements. Ayo s'extasia sur leur belle mine. « C'est bien d'une vache qui leur tourne !» repensa Hulotte suivant son idée. Et il mena Ayo successivement au poulailler, au bûcher, au potager, au verger et de là au champ. Le petit homme trouvait tout admirable. Pour un verger, c'était un fameux verger. Quant aux pommes de terre, ben, là, vrai, il fallait aller loin pour en trouver d'aussi bien montées. Et comme ils étaient à regarder les luzernes à un gros quart d'heure de la ferme, il reparla tout à coup des vaches. De la blanche qui était soufflée, de l'Isabelle qui était creusée, de la noire qui ne valait pas lourd. « Oh, chacun son idée !» répliqua Hulotte parfaitement calme. Une petite pluie qui ne finissait pas rayait la campagne devant eux, étendant sur les verdures un réseau gris très léger. Des bubelettes d'eau diamantaient leurs habits mal protégés par le parapluie que Hulotte tenait au-dessus d'eux. La terre détrempée collait à leurs souliers une boue jaune épaisse. Et de temps à autre, Ayo passait ses semelles dans les herbes, repris par ses instincts de propreté. « Fichu-t'en ! C'est égal, il ne se repentait pas d'être entré, loin de là !» Et il répétait sa phrase avec componction. « Je suis ben content de vous avoir trouvé en bonne santé !» Ils reprirent le chemin de la ferme. Ayo éprouva le besoin de revoir l'étable. Il alla à la vache noire directement et passa la main sur ses côtes, son ventre, ses jarrets. Il regarda ses cornes, ses sabots, son pis. Il lui releva le mufle, lui desserra les dents. Puis, se décidant, « Je la prendrais peut-être bien, si elle n'était pas trop chère, » dit-il. Hulotte se balançait d'avant en arrière, régulièrement. Il avait gardé son air indifférent. Il demanda, « T'en as envie ?»« Envie et pas envie, ça dépend, faut voir le prix. » Tous deux maintenant se tutoyaient. Hulotte eut l'air de réfléchir longuement. « Ben, pour toi, là, parce que c'est toi, et rien que pour ça, ben, ça sera 700. » Ayo secoua la tête. « 500, » dit-il après un instant. « 700, » reprit Hulotte. Le compère frappa son poing droit dans la paume de sa main gauche, de toute sa force. « Nom d'un tio !» dit-il. « Je veux pas marchander, moi. Je t'en donne 550. »« Ben, moi non plus je marchande pas, nom de Dieu. Ça ne sera pas 700. Ça ne sera pas 665. Ça sera 650 tout net. Je suis comme ça, moi. » Mais l'autre ne voulait rien mettre au-delà de son prix. « Vrai, Hulotte, en camarade, ça ne vaut pas plus. » Hulotte fit un geste en homme qui a pris son parti. « N'en parlons plus, je garde ma vache, tu gardes ton argent. Buvons une bouteille. » Ils rentrèrent à la cuisine. La table venait d'être quittée par les domestiques. Des mies de pain traînaient dans les coulures de la bière, au bas des pichets. Une débandade d'assiettes s'égarait parmi les couverts d'étain. Trois chats, hissés sur les chaises, attiraient à eux du bout de la patte les morceaux de lard échappés aux fourchettes. « À notre tour maintenant !» fit Hulotte. Germaine débarrassa la table, mit une nappe blanche raide d'empois et servit un rôti de bœuf superbement doré. Il y avait deux couverts. « Je vais vous laisser dîner, » dit Ayo. Mais le fermier ne voulait pas. Le second couvert avait été mis pour lui. Il ne partirait pas, etc. Ayo regarda la belle viande, eut une convoitise et se mit à table, disant « Une bouchée, ça n'est tout de même pas de refus. » Tout le rôt y passa, et régulièrement il répétait sa phrase avec une nuance d'attendrissement. « Oh, je suis content, là, fameusement content !» À la seconde bouteille de vin, il reparla de la vache. « Pour être un homme, ben, j'en donnerai 600, mais faut pas me demander un liard de plus. Ça va-t-il ? » Hulotte tenait bon. « Non, je n'ai qu'une parole. » Alors il haussa les épaules et, clignant des yeux du côté de Germaine, s'écria qu'il n'y avait pas moyen de faire des affaires avec un homme aussi exigeant que le fermier. Cela traîna jusqu'à la tombée du jour. Le cheval avait été remis à la carriole et piétiné devant la porte dans la pluie qui continuait. Le bonhomme prit son parapluie, l'ouvrit, se carra sur le banc de la voiture. Hulotte se tenait debout à la tête du cheval, souriant de son sourire tranquille. Du seuil, Germaine regardait Ayo s'installer, regardant en même temps au-dessus de sa tête, au loin, les bois où l'attendait peut-être Cachapré. Ayo prenait ses aises sans se presser. Il retourna la banquette sur laquelle il était assis, se mit à droite, recula à gauche, rajusta les brides, gagnant ainsi du temps. Hulotte se raviserait peut-être, descendrait à 600. Et il dardait sur lui son œil malin, sans tourner la tête. Mais le fermier parlait de la pluie, continuant à maintenir le cheval qui s'impatientait. Le bonhomme prit une décision subitement. Il jeta les brides sur le collier du cheval, ferma son parapluie et descendit de la carriole. « Là, dit-il, je la prends pour 625. » Et il rentra. Cette fois, Hulotte céda. Il fut convenu que le cron, un des domestiques de la ferme ainsi nommé à cause de la circonflexion de ses jambes, conduirait la vache au trieu. Il passerait la nuit chez les haillots et repartirait au petit jour. Hulotte déboucha une dernière bouteille, tandis que Ayo tirait d'un portefeuille graisseux 6 billets de banque et les alignait sur la table. Le reste du compte s'acheva en pièces de 5 francs et en menu monnaie. Ayo comptait à voix haute, lentement. Le fermier donna un reçu. Alors Ayo, se laissant aller à sa joie d'avoir gagné 25 francs sur le prix de la vache, il invita Hulotte, ses garçons, sa demoiselle, à venir dîner à la ferme le dimanche suivant. « Tous, hein, faut venir tous !» répétait-il. Hulotte ne promettait pas, mais un de ses fils et Germaine irait certainement. Ayo eut une grimace plaisante. « Ah, mademoiselle Germaine verra mes garçons, » dit-il. « On ne sait pas ce qu'ils se diront, mais apparemment, ils ne se mangeront pas. » Il se tassa dans sa carriole, fouetta son cheval et alla rejoindre sur la chaussée le cron qui avait pris les devants avec la vache. Germaine suivit quelque temps la voiture des yeux, pensant à cette partie qui allait mettre un peu d'imprévu dans l'uniformité de sa vie.